بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين أما بعد لونج الله سبحانه وتعالى. Et je suis heureux de vous retrouver cette nuit du 9 Safar 1442 qui correspond au 25 septembre 2020 sur les ondes de la radio de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, pour une nouvelle série de rappels sur les mérites de la science et les vertus des savants. Et on commence cette série de la source de l'imam Rabi' al-Sunnah, le porteur de l'étendard, de la réfutation et de l'éloge qu'Allah a lancé sa vie dans son obéissance. Vous n'êtes pas sans savoir tout le dénigrement que les insensés destinent à ce noble homme de science et à son frère, Cheikh Ubayd al-Jabiri. Ah, et on entend de toutes sortes de dâneries. Ils sont vieux, ils ont changé, ah, ils sont télécommandés. C'est des momies, on leur écrit ce qu'il faut dire, etc., etc. Parmi toutes les âneries que nous avons entendues depuis le début de cette fitna qui est la fitna de la Sa'faqa. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je commence par une introduction que je vais citer. Et cette introduction est... Ce ne sont que des paroles, est un écrit de l'allama Abdullah al-Bukhari, rahimahullah, qu'on déplaise à al-Musafiqa. L'imam al-Jabiri, c'est lui qui a donné le terme de allama à Cheikh Abdullah al-Bukhari. Et celui qui a quelque chose à dire à ce niveau, qu'il ait le courage et l'audace d'appeler Cheikh Ubayd et de lui dire combien d'insensés sur le terrain maintenant reprochent aux prêcheurs et enseignants en français de traduire et de propager les paroles de Cheikh Rabi' et de Cheikh Ubayd et de Cheikh Abdullah al-Bukhari concernant Sa'faqa et son leader. Et si ils ont quelque chose ou quelque critique à faire, il faut qu'ils appellent les deux grands imams au lieu de semer le trouble et les ambiguïtés chez la jeunesse salafie. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans nos dires et nos actes. Et demain, on va se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala et rendre des comptes sur nos dires et actes. Et quand on dit quelque chose, il faut qu'il vienne d'un homme de science et que nous soyons justes dans ce que nous transmettons et dans ce que nous traduisons, etc. Et nous ne devons pas induire les gens en erreur ni créer des ambiguïtés chez cette jeunesse salafie. Qu'est-ce qu'on dira à Allah subhanahu wa ta'ala demain? Donc notre noble cheikh, l'allama cheikh Abdullah al-Bukhari, a préfacé un livre de cheikh Ahmed Zahrani. Cheikh Ahmed Zahrani qui est un des proches de cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala et un de ses élèves. Et cheikh Ahmed Zahrani, il a écrit un livre dans lequel il a recueilli les paroles de Cheikh Rabi' concernant la foi et l'iman pour montrer à la jeunesse et pour montrer aux musulmans et aux salafis comme quoi Cheikh Rabi' il est loin de la voie du Murji'a, parce que les Haddadi dénigrent Cheikh Rabi' et le traitent d'avoir de l'irja, etc. Et maintenant, les disciples de la Sa'faqa font la même chose, mais par des façons détournées. Ils ne l'ont pas déclaré encore, mais par des sous-entendus et dans des assises privées, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et donc, ce livre qui a été recueilli des paroles de Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala a été préfacé par Cheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah ta'ala. Et dans cette préface que Cheikh Abdullah al-Bukhari a fait à ce livre, il a commencé par le hadith de Anas, radiyallahu anhu wa arda, chez l'imam Bukhari, Anas a dit que le messager d'Allah a dit « Soutiens ton frère, qu'il soit injuste et quand il subit un préjudice. » Un homme a dit « Ô messager d'Allah, le soutenir quand il subit de l'injustice. » Hein? C'est-à-dire, je le soutiens quand il subit de l'injustice, mais s'il est injuste, comment le soutenir? Et le messager lui a dit « Tu l'empêches d'être injuste, et c'est ça ton soutien. » C'est de l'empêcher d'être injuste. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Et dans les authentiques, le hadith d'Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu arda, il a cité aussi dans cette préface, le hadith d'Abdullah ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le soumis à Allah est le frère du soumis à Allah. Il ne lui fait pas subir de préjudice. Et il ne lui livre pas jusqu'à la fin du hadith. » Le hafid ibn Hajar, dans le fait hadith, la parole du messager, il ne lui fait pas subir de préjudice. Ceci est un ordre, car l'injustice du soumis à Allah envers le soumis à Allah est interdite. Et la parole du messager, il ne le livre pas, ça veut dire il ne le laisse pas avec celui qui lui fait du mal, et ou dans une situation qui est source de mal pour lui. Il le soutient, il le défend, et ça c'est plus spécifique que le fait de le délaisser dans l'injustice. De le délaisser sur l'injustice. Et cela peut être obligatoire ou surrogatoire selon les situations. Fin de citation des paroles qu'a cité Cheikh Abdullah Bukhari et des paroles de l'Hafid ibn Hajar. Et il a cité aussi les paroles de l'Hafid ibn Rajab dans Jami' al-Uloum wal-Hikam. Al-Hafid ibn Hajar a dit, Al-Hafid ibn Rajab a dit, en expliquant ce hadith, le soumis à Allah et le frère du soumis à Allah, il ne lui fait pas subir de préjudice. Il ne le faiblit pas, il ne le décourage pas, il ne lui ment pas, il ne le méprise pas. Il dit, rahimahullah, ainsi le frère doit être bénéfique à son frère, et il se doit de le protéger du mal, et le plus grand des mâles, c'est qu'il ne doit pas lui faire subir de préjudice. Et il dit, rahimahullah, et ceci n'est pas spécifique au soumis à Allah seulement, mais à tout un chacun. Et il a dit, rahimahullah, toujours les paroles sont à Ibn Hajar, et fait partie du mal, le fait que le soumis à Allah soit la cause de la faiblesse et du découragement de son frère, car il est demandé aux croyants de soutenir son frère, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soutiens ton frère, qu'il soit injuste ou qu'il soit juste. Et il a dit, un homme a dit, ô messager d'Allah, le soutenir quand il est juste. Mais comment le soutenir alors qu'il est injuste? Le messager lui a dit, tu l'empêches d'être injuste, c'est ça ton soutien pour lui. Le Bukhari, rahimahullah, a relaté le sens du hadith de Anas, radiyallahu anhu arda. Et Muslim a relaté le sens du hadith du Jabir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Cheikh Abdallah dit, il est déterminé que nous avons beaucoup de devoirs vis-à-vis de nos chouyours et vis-à-vis de nos hommes de science, les savants de la sunna. Le messager a annoncé que les savants sont les héritiers des prophètes alayhi salam, comme ceci est rapporté dans Sunan Abi Daoud, et ceci, ce hadith a été jugé bon par l'imam al-Albani rahmatullah alayh. Il a dit que c'est un hadith hassan, il a jugé bon dans Sahih Targhib wa Tarhib. Et les savants ont les mêmes droits que ceux qu'ils héritent. Ibn al-Qayyim rahimahullah, et Cheikh Abdallah de citer les paroles d'Ibn al-Qayyim dans Miftah Dar Sa'ada, Ibn al-Qayyim a dit, une explication à ce hadith, et ceci est une grande vertu pour les savants, car les prophètes sont les meilleurs créatures d'Allah. Et après eux, leurs héritiers sont les meilleures créatures. Et donc, tout héritier prend l'héritage de celui qui l'hérite, car les savants remplacent les prophètes dans leur fonction de transmettre la religion. Et après les messagers, il n'y a que les savants pour transmettre le message avec lequel ont été envoyés les messagers alayhi salatu wassalam. Partant de là, ce sont eux qui ont le droit à l'héritage des prophètes alayhi salatu wassalam. Et cela attire l'attention sur le fait que c'est les savants qui sont les plus proches des prophètes, car l'héritage n'est dû qu'aux plus proches, comme cela est confirmé dans l'héritage mondain de la fortune et de l'immobilier et autres, est né, cet héritage n'est que pour les proches. Il en est de même pour l'héritage des prophétiques, hein, il est pour les hommes de science. Et Allah privilégie de par sa grâce ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, il le fait. Et dans cela, dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, il y a l'ordre pour la communauté de leur obéir, c'est-à-dire d'obéir aux hommes de science dans l'obéissance à Allah, de les respecter, de les révérencier comme ils sont à leur place, de les défendre, car ils sont les héritiers de ceux qui ont ces droits, qui sont les prophètes alayhi salatu wassalam, et ce sont leurs successeurs, et cela attire l'attention que le fait de les aimer, c'est-à-dire d'aimer les hommes de science, fait partie de la religion, et les détester est en contradiction avec la religion, comme ceci est confirmé pour ceux qu'ils héritent, c'est-à-dire comme cela est confirmé pour les prophètes alayhi salatu wassalam, et dans le fait de leur déclarer les hostilités, et de les combattre, et de les calomnier, et de les dénigrer, ceci est une guerre contre Allah, comme pour ceux qu'ils ont hérité. Ali radiallahu anhu arda a dit, l'amour des savants est une religion avec laquelle on se rapproche d'Allah. Et Ibn al-Qayyim a cité aussi un atar que Ibn Abi Shayba a cité, avec une chaîne de transmission qui remonte à Abi Qallaba al-Jurmi. Abi Qallaba al-Jurmi a dit, les savants sont comme les étoiles avec lesquelles on s'oriente, et ce sont les guides qu'on prend comme modèle et qu'on suit. Si les étoiles s'absentent, les gens sont dans l'hésitation, et s'ils délaissent les étoiles, ils s'égareront. Fin de citation de ce qu'a cité des paroles de Cheikh Abdallah al-Bukhari et des paroles de Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Miftah Dar al-Sa'ada. Cheikh Abdallah de dire, Habibullah, partant de là, partant de ces textes qu'a cité, donc et partant de ces textes qu'a cité Cheikh Abdallah, je vais essayer de m'acquitter de certains de nos obligations concernant certains de nos hommes de science, certains nobles de cette communauté. Commençons avec l'imam de la sunna, le porteur de l'étendard, de la réfutation et de l'éloge, le muhaddith, le sheikh, le docteur, Rabi' ibn Hadi, le madkhali, hafidhahullah ta'ala wa matta'abih. Car, Allah al-musta'an, combien sont nombreux les insensés, arabes et non arabes, qui ont eu l'audace de mal parler sur cette montagne de science, et de jeter des ambiguïtés sur sa personnalité, sur sa science, etc. D'où, inshallah, cette série de cours intitulée « De la source de l'imam Rabi' Sunna », par le biais de laquelle on essayera d'anéantir avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala certaines ambiguïtés et corriger certaines fausses idées, et auprès d'Allah, on cherche l'aide et le soutien. Et avec cette compilation, on cherche seulement la grâce d'Allah, et puis l'éclaircissement de la vérité et le soutien des adeptes de la vérité, et aussi défendre à l'honneur de nos savants et montrer qu'ils sont sur une aqida authentique et une voie saine, et aussi essayer du mieux possible de dissiper certaines ambiguïtés de l'esprit de certains jeunes qui se sont fait avoir par la confiance aveugle qu'ils ont mis dans certains prêcheurs fanatiques du leader de la Safaqa, et essayer de contribuer à montrer la réelle image de nos savants à leur tête, Rabi' al-Sunna, Rabi' qui veut dire le printemps, et il n'y a aucun doute que l'Allama Cheikh Rabi' c'est le printemps de la Sunna, comme l'a nommé le lion de la Sunna par excellence, et le critique par excellence, Cheikh l'imam l'Albani rahimahullah. Il a dit, Akhouna Dr. Rabi' Sunna. Et avant de rentrer dans le sujet, je cite un autre passage parmi les paroles de l'Allama al-Bukhari, Abdallah al-Bukhari, qu'il a cité dans la préface qu'il a fait au livre de Cheikh Ahmed Zahrani. Notre noble rudi Cheikh Abdallah al-Bukhari avait écrit un article. Un article qui a été publié parmi un certain, avec un autre, dans un recueil de différents articles. Et cet article est intitulé La défense de la Sunna et de ses adeptes. Et cet article a été publié avec d'autres articles qui ont été préfacés par le grand muhaddith du sud d'Arabie qui est l'érudit, l'allama Ahmed ibn Yahya al-Najmi rahimahullah, et aussi par l'honorable érudit, l'allama al-faqih, Sheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali. Et cet article était consacré à la défense de Cheikh Rabia. Et dans la préface qu'a fait l'allama al-Najmi rahimahullah à cet article de Cheikh Abdallah, il a dit rahimahullah, l'auteur en parlant de Cheikh Abdallah, dont le cinquième article a écrit, fait partie de la défense de la Sunna le fait de défendre ceux qui la portent, qui ont passé leur vie à la recueillir, à l'écrire, à l'apprendre et à l'enseigner et à la faire triompher. C'est aussi et faire triompher la Sunna, c'est aussi faire triompher ceux qui la portent et qui la propagent et qui apprennent à la Sunna et à sa mise en application. On les défend donc contre ceux qui les critiquent par leurs dires et par leurs écrits. Ceux-là qui les critiquent accusent les gens. Ceux-là qui accusent les gens de la Sunna par des accusations auxquelles, indiquelles, ils sont innocents. Ceux-là qui montent sur les gens de la Sunna. Et toujours les paroles sont de Cheikh Najmi, et il a annoncé que soutenir, c'est-à-dire que Cheikh Abdallah a annoncé que soutenir les porteurs de la Sunna, c'est faire triompher et soutenir la législation, et c'est aussi soutenir la Sunna pour laquelle on leur a déclaré les hostilités. Ainsi, ils sont devenus des isolés, c'est-à-dire ghuraba, étrangers, isolés. Des isolés, des étrangers dans leur pays, et méprisés par les proches et les intimes. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fin de citation des paroles de Cheikh Najmi rahimahullah. Et cet article a été préfacé aussi par Cheikh Zayd, le jurisconsulte par excellence, l'allama Cheikh Zayd, qui a dit rahimahullah dans sa préface, l'auteur a conclu cet article en mettant en application le noble texte, soutiens ton frère s'il subit un préjudice et s'il est injuste. Avec, et Cheikh Zayd de dire, avec cette défense juste avec laquelle il défend Cheikh Rabir, qui a écrit dans ses livres La vérité, qui n'est pas pour plaire à ceux. Cheikh Rabir a écrit La vérité qui n'est, dans ses livres, qui n'est pas pour plaire à ceux qui n'ont pas une grande part de science et qui sont éprouvés par l'imitation dévastatrice et par le fanatisme répréhensible. Et à côté, Cheikh Zayd de dire, et à côté de cette défense, il a cité, c'est-à-dire Cheikh Abdallah, a cité le comportement des pieux prédécesseurs et leur noble position dans le soutien de la Sunna et de ceux qui aiment la Sunna, ceux qui ont mis, qui ont pris comme guide la Sunna et qui s'y sont soumis, ou s'ils ont, et ainsi, après avoir aimé la Sunna, après avoir suivi la Sunna et propagé la Sunna et enseigné la Sunna, ils se sont soumis à la Sunna, ainsi ils ont eu pignon sur rue. Et donc, les gens de l'innovation et de l'égarement sont tombés à cause de leur divergence et de leur refus d'épreuve. Ils sont tombés très bas. Et Cheikh Zayd a dit, et j'étais réjoui, par le fait que l'auteur, Cheikh Abdallah ibn Abdelrahim al-Bukhari, a utilisé comme argument pour montrer l'importance que donne Cheikh Rabi' à la noble sunna, hein, les paroles, il a utilisé les paroles de deux nobles savants contemporains dont les nobles écrits ont rempli le monde et dont la réputation est mondiale. Les deux grands imams, al-muhaddith Cheikh Nasr al-Din al-Bani rahmahullah et l'imam l'érudit l'allama Cheikh Mohammed bin Salih al-Utaymin. Il dit rahimahullah, Cheikh Zayd, tous les deux ont été interrogés sur Cheikh Rabi'. Et l'auteur de cet article a cité leurs paroles dans son article. Hein? Hein? Dis-le. Et Cheikh Zayd de dire, lis-le. Lis-le, c'est-à-dire lis cet article. Une lecture de quelqu'un équitable. C'est-à-dire, lis l'article de Cheikh Abdallah al-Bukhari. Et lis-le, une lecture de quelqu'un équitable. Et délaisse les dires et écrits de tout dénigreur. Car celui qui dénigre les gens de la sunna est un grand injuste qui a dépassé les limites. Et fin de citation des paroles de Cheikh Zayd, rahimahullahu ta'ala. Prise, hein, tout ceci est pris dans la préface qu'a fait Cheikh Abdallah al-Bukhari au livre de Cheikh Ahmed Zahrani. Et ces paroles de Cheikh Zayd sont dans le recueil des articles de Cheikh Abdallah al-Bukhari. Et parmi ces articles, il y a un article qui est intitulé, hein, la défense de la sunna et des gens de la sunna. Et je vous cite quand même ces paroles qui ont réjoui Cheikh Zayd, l'allama Zayd ibn Hadi al-Madkhali, comme ils sont cités dans l'article de l'honorable Cheikh Abdallah ibn Abdelrahim al-Bukhari, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve. Il a dit, Cheikh Abdallah a dit, et comme une chose amène à parler d'une autre chose, j'attire l'intention que notre Cheikh Rabi', qu'Allah le préserve, un groupe de savants contemporains ont fait ces éloges alors qu'ils connaissent parfaitement ses écrits et ils savent qu'ils clarifient la vérité et qu'ils refutent le faux, et cela prouve la place de considération, la grande place et la grande considération que lui vouent les savants et non pas comme le prétendent les mercenaires de la science. Parmi ces savants, l'imam al-allama, le critique, l'homme de la critique, le jurisconsulte, Cheikh Nasr al-Din al-Albani rahmatullah alayh. Quand il a été interrogé concernant ceux qui dénigrent Cheikh Muqbil, ainsi que Cheikh Rabi', Cheikh Muqbil rahimahullah et Cheikh Rabi' hafidahullah, il a dit rahimahullah, il n'y a aucun doute que nous louons Allah qui a mis au service de cette vertueuse et noble da'wa qui est basée sur le livre et la sunna, selon la voie du pieux prédécesseur d'Allah alayhi, un nombre de prêcheurs dans des pays différents de l'islam qui accomplissent l'obligation collective que peu accomplissent dans le monde musulman aujourd'hui. Le fait de viser ces deux cheikhs et de les dénigrer, c'est-à-dire Cheikh Rabi' et Cheikh Muqbil, qui prêchent et appellent vers le livre et la sunna et la voie sur laquelle étaient les pieux prédicateurs d'Allah alayhim, et qui combattent ceux qui sont en divergence avec cette voie sûre et authentique, ceci, comme ils n'échappent pas à tous, ne peut venir que de deux hommes, soit un ignorant, soit quelqu'un qui suit ses passions. L'ignorant, il est possible de l'orienter. Il est possible de l'orienter car il sait que ce qu'il dit n'est pas basé sur la science. Et quand la science authentique lui sera clarifiée, il s'oriente. Quant à celui qui suit les passions, On n'a pas de voie pour l'atteindre, sauf si Allah le guide. Et il a dit, rahimahullah, ceux qui critiquent les deux cheikhs, c'est-à-dire Cheikh Mukhbil et Cheikh Rabi', comme nous l'avons cité, c'est soit un ignorant, il faut lui apprendre, ou c'est quelqu'un qui suit ses passions, hein, du mal duquel il faut chercher refuge auprès d'Allah. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide, ou qu'il lui casse, ou qu'il lui brise le dos. Et ceci est cité dans Muqaddimat Kitab al-Nasr al-Aziz al-Raddi al-Wajiz. Ceci est cité dans le livre de Cheikh Rabi, le soutien fort à la réplique concise. Et il est pris aussi dans la chaîne Silsilat al-Huda al-Nur des audios de Cheikh Nasr al-Albani, hein, la première, le numéro 751, la numéro 1 du... l'audio 751 numéro 1. Et donc, le soutien fort à la réplique concise, c'est une réplique qui a été faite aux déviances de Abdurrahman Abdelkhalq, celui qui est derrière ce qu'on appelait à cette époque la salafia politique, l'Égyptien qui était au Koweït, etc. Donc, et Cheikh l'Albani, rahmatullah alayhi, a dit, ce que j'ai vu dans les écrits de Cheikh Rabi', ce que j'ai vu dans les écrits de Cheikh Dr. Rabi', c'est que ce sont des écrits bénéfiques. Et je ne me rappelle pas lui avoir vu une faute ou une déviance de la voie sur laquelle on se rencontre. Toujours, dans l'introduction du livre, le soutien fort à la réplique concise. Et donc, et l'imam, jurisconsulte, l'exégète, l'allama, Mohamed bin Salih al-Uthaymi, l'exégète par excellence de notre époque, il a été interrogé sur Cheikh Rabi' et il a dit, rahimahullah, on doit plutôt poser la question à Cheikh Rabi' me concernant. C'est un audio qui est intitulé la rencontre de Cheikh Rabi' et Cheikh Al-Uthaymin. Cheikh Abdallah, commentant les paroles de Cheikh Al-Uthaymin, il dit, Cheikh Abdallah dit, et cela, de la part de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, prouve la grande modestie de ce grand Cheikh. Il prouve son estime et sa reconnaissance vis-à-vis des savants. Et prouve aussi d'autres qualités, car ne reconnaît les mérites que les gens du mérite. Fin de citation. Et Cheikh Abdallah, Hafidhahullah, a dit dans cet article, dans lequel il défend Cheikh Rabi', il défend la sunna et les gens de la sunna, il dit, celui qui médite les nombreux écrits de Cheikh Rabi' dans la défense de la sunna, il y réplique à ceux qui sont en divergence avec la sunna, verra clairement la grande science du Cheikh et l'enracinement du Cheikh dans la science. Et ceux qui sont enracinés dans la science sont peu nombreux. Et Cheikh Abdallah a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, ne fait pas partie de la science la gaillardise, ni la frivolité, ni le mépris, ni la sous-estimation des autres, ni le mensonge et les insultes et autres. Ceci, c'est la voie des injustes et de ceux qui suivent les passions. La science, c'est clarifier la vérité et repousser le faux. Ceci, il l'a écrit en 1428. À l'époque, Cheikh Zayd et Cheikh Najmi étaient vivants encore. Et il a cité, Cheikh Abdallah a cité la parole de l'Auza'i, rahimahullah, qui est rapporté dans le recueil d'Ibn Abdelbar Jami' Bayan al-Ilm. L'Auza'i a dit, rahimahullah ta'ala, la science est ce qui a été transmis des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui n'est pas venu de l'un d'eux, ce n'est pas de la science. Fin de citation. Et Cheikh Abdallah a dit, on remarque chez certains, Remarque chez certains qui ont écrit et orienté leur crayon qui ne saigne qu'avec le mal, comme on dit, contre notre cheikh, qu'Allah le préserve, prétendent qu'ils censurent la sunna. Mais ils n'ont pas pris la voie des gens de la sunna. Dans leur façon de faire, ceux-là et leurs similaires, je leur rappelle la parole de l'imam al-Hassan al-Basri rahimahullah qui a dit « Ô descendant d'Adam, ne te fais pas avoir par celui qui dit « L'être est avec ceux qu'il aime, car celui qui aime des gens suit leurs traces et suit leurs voies, et tu ne seras pas avec les bons que si tu suis leurs traces et que tu suis leur voix, et que le matin tu te réveilles et tu prends leur voix, et le soir tu te couches en étant sur leur voix, et que tu tiens ardemment à faire partie d'eux, et que tu prends leur chemin en suivant leur voix. N'as-tu pas vu les juifs et les chrétiens et les gens des passions dévastatrices aiment leurs prophètes, mais ils ne sont pas avec eux, car ils sont en divergence avec eux dans les actes, dans les paroles, et ont pris un autre chemin qu'eux, et leur demeure sera l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Ceci est tiré du recueil, l'interprétation du Tulatiyat Ahmed, l'imam Ahmed rahimahullah, les Safarini rahimahullahu aimmat al-muslimin. Donc vous voyez, frère en Allah Azza wa Jal, que peu importe les dénigrements que font les insensés de ce grand imam qui est Cheikh Rabi, et aussi de son frère l'imam Ubayd, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve et allonge leur vie dans son obéissance. Combien de gens qui sont renommés maintenant, ils sont le fruit et l'éducation de ces deux grands hommes de science. Et aujourd'hui, ils les critiquent. C'est comme quelqu'un qui vient et qui crache dans l'assiette où on lui a servi à manger. Et s'il les critiquait avec preuve, ou justement, il n'y a pas de mal à la critique, personne ne prétend que Cheikh Rabi ou Cheikh Ubayd ou nos grands hommes de science sont infaillibles, abaden. Et quand les Moussafiqa disent de ceux qui ont pris la voie de ces deux grands hommes de science, Cheikh Rabi et Cheikh Ubayd, dans cette fitna de la Safaqa, que ce sont des fanatiques de Cheikh Rabi et de Cheikh Ubayd, et que il croit en l'infaillibilité de Cheikh Rabi, ceci est faux. Et ceci est très dangereux pour ceux qui le disent. Parce que ne sont infaillibles que les prophètes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne l'infaillibilité. Il l'a donné à ses messagers alayhi salatu wa salam. Et ces gens qui parlent ainsi ne comprennent pas le réel sens de ce qu'ils disent. Parce que ceci peut amener, cette parole peut amener vers la voie d'Al-Khawarij, vers le fait de faire kafar, et de tomber dans la voie d'Al-Khawarij. Parce que ni infaillible que les prophètes, alayhi salatu salam. Et en dehors des prophètes, alayhi salatu salam, tous les humains sont faillibles. Et aucun homme de science, aucun demandeur de science, aucun commun dont l'esprit est resté sain et n'a pas été atteint par les ambiguïtés ne prétend l'infaillibilité pour Cheikh Rabi ou pour Cheikh Ubayd ou pour Cheikh Abdul Hussein Abad ou pour Cheikh Al-Fawzan ou autre parmi les grands chouyours. Abadan. Donc nous devons faire très attention aux paroles que nous entendons. Et nous devons faire très attention à ne pas ouvrir nos oreilles à n'importe quoi et à n'importe qui. Et nous devons préserver nos cœurs et mettre en application cette parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, où il a dit, il faut que ton cœur y soit comme un verre, comme du verre. C'est-à-dire quand quelque chose tape dessus, hein, il retourne. Il faut pas que ton cœur, le reflet, il reflète et après il part. Il faut pas que, il a dit, rahimahullah, il faut pas que ton cœur soit comme une éponge. C'est-à-dire, il gobe tout ce qu'il entend. Hein? Tout ce qu'il entend, il gobe. Abadan akhal islam. Fa, c'était une introduction sur ce noble sujet avec lequel on espère avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec lequel on espère, inshallah, porter certains éclaircissements sur certains points et sur certaines ambiguïtés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala nous cherchons le soutien. Et c'est une série qui va être un peu longue parce que les ambiguïtés sont nombreuses aussi. Donc, qu'on s'arme de patience et petit à petit on avance, inshallah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous raffermit tous dans la voie de notre messager alayhi salatu salam et de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Fasallah al-azim, rabbal arsh al-azim, bi asma'i al-husna wa sifati al-ula, an yaj'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, innahu wali dhalika wal-qadiru alayh. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن أمة الإسلام هذا الوباء وأن يرد إليه ضال المسلمين وأن يشافي مرضى المسلمين وأن يعافي مبتلاهم وأسأله سبحانه وتعالى أن يخرج إخواننا وأخواتنا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وأن ييسر هجرتهم وأن يثبت المهاجرين منهم في بلاد الإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.